la la la. Petit Jean revient de Lille, tout chargé de Rémoula. Sa femme lui prépare sa soupe, youpiou piou tra la la la. Sa femme lui prépare sa soupe et un gros morceau de la. Mais quand il mange sa soupe, youpiou piou tra la la la. Mais quand il mange sa soupe, le chat lui a pris son la. Je vais laisser faire, youpiou piou tra la la la. Eh bien je vais laisser faire, car c'est bien plus sage comme ça.